fait mal, toujours, et cela n'a de nom en nul langage humain. Cela semble l'amour, mes doigts d'aube sauvage et qui va son chemin. Cela passe et s'éloigne comme le son de vos pas sur l'asphalte assourdi. Cela soudain vous poigne et tout dans vous vous laisse cet air abasourdi. Oh, comme ça, comme ça, comme ça monte à la gorge. Ça vient comme un sanglot et le regard sans but. Le désir vous écorche, à vif il est l'heure de quitter la tribu. Car c'est l'appel du linge qui crie en vous l'appel, nomade fulgurant. Et vous prenez la charge sur votre dos pour des pâtés de cormorants. Vous reviendrez, c'est sûr. Vous reviendrez peut-être un soir d'automne brûlant, sans veste, sans chaussures, des bleus à l'âme, le regard vif et le pas lent. Reprendrez la route dans l'inquiétude extrême et la nécessité pour vous mettre à l'écoute du roulement des galaxies, les nuits d'été. Pour toi qui pars ce soir dans la ferveur du monde et la paix de tes yeux, que ton pas sois l'espoir, chantant sur le pavé les hymnes de tes dieux.